La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux le garder, c'est même si tu penses que j'ai les chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC. La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux le garder, c'est même si tu penses que j'ai mes chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC. Tu peux garder tes chaînes, maner tout tes bling bling, reste en bas de l'échelle, loin des groupes et en string. Pour ma part, j'ai la flemme de devenir VIP, une porte s'ouvre, je la fermerai, VIP. Je vois pas dans les soirées, car je préfère le ice tea, le whisky, c'est pas lui qui me donne mon inspi. Jamais tu me verras à la télé dans des clips, tu pourras juste écouter m'avoir rappé sur des beats. Gardez-les vos contrats aux allures sympathiques, continuez de baver goulûment sur magique. Indépendant, mon rap est indémodable, indépendant, ton kiff est plus que notable. Mais cependant, je ne veux pas être une star, briller sous les projecteurs, seul sous une mare de regards braqués tout le temps sur moi, avec cet air au plus profond des yeux, ô combien sournois. La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux garder ce même si tu penses que j'ai mes chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC. La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux garder ce même si tu penses que j'ai mes chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC. Beaucoup rêvent de richesse, mais tu sais les sacrifices qu'elle engendre sous l'envers du plus beau des artifices. Partir en promo avec un planning blindé, interview, shoot photo pour un magazine réputé, séance de tournage de ton clip vidéo, supercars et bimbo, un genre de rêve idéal. Et quand est-ce que tu vois ta famille, tes amis, à part quand ils sont shootés par les paparazzi? Partir en tournée, ça aussi ça paraît trip, hein, mais pourtant j'appréhende à la longue la distance qu'il y aura entre ma moitié et moi. Et t'imagines si soudain un matin tout s'effondre. Et c'est pas mes fans qui viendront me soutenir, me dire dans mes concerts, aimer le man faut tenir. Alors je préfère faire la musique que j'aime, tranquillement poser chez moi sans qu'aucun souci me gêne. La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux le garder, c'est même si tu penses que j'ai mes chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC. La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux le garder, c'est même si tu penses que j'ai mes chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC. Hey, écoute, même si tu rêves d'être produit, réfléchis, car dans l'avenir tu pourrais devenir qu'un produit. La plupart du temps, tu sais, l'argent change les gens, les rendent moins intelligents que ce qu'ils étaient auparavant. Les premiers albums sont toujours les meilleurs, à part certains rappeurs visant toujours en hauteur. Je me sens à la hauteur pour relever ce défi, mais je changerai pour rien au monde le cours banal de ma vie. La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux le garder, ce même si tu penses que j'ai mes chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC. La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux le garder, ce même si tu penses que j'ai mes chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC. La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux le garder, ce même si tu penses que j'ai mes chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC. La célébrité, non merci, le succès, j'en veux pas, donc crois-moi, tu peux le garder, ce même si tu penses que j'ai mes chances de percer en rappant ainsi, car j'ai un style et un talent qui font de moi un bon MC.